Comment promouvoir les cinémas africains? Nous allons évidemment donner la parole au public tout au long de cette émission. Et pour débattre avec vous qui êtes venus nombreux à l'Institut français, quatre invités. Nous organisons ce FESPACO-là et nous avons des salles qui datent pratiquement de la Révolution. Nous avons deux sur Ouagadougou et nous avons des salles comme le Ciné Neroya et le Ciné Burkina qui sont juste redorées quand il y a le festival. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là pour qu'on ait au moins des salles qui soient dignes en tout cas d'un FESPACO que nous organisons? Mais alors justement, est-ce que c'est à l'État de financer les salles de cinéma? Non, je pense que notre ami l'a si bien précisé. L'État peut apporter une contribution, mais le financement des salles de ciné, c'est surtout en PPP, en partenariat public-privé. C'est les politiques qui font avancer les choses, c'est eux qui décident. Nous, on peut proposer des choses, mais c'est eux qui décident. Et c'est pour cela qu'il est bon de les rencontrer, et que si on veut rester simplement cinéaste, on peut se passer des politiques. Mais à partir du moment où on devient un entrepreneur et qu'on est soit dans le commerce du cinéma, soit dans le commerce de la distribution du cinéma, on est obligé d'avoir un commerce avec les politiques. On a beaucoup parlé des financements, mais le cinéma africain a également évolué. Franchement, je ne suis pas un fan des films Nollywood, parce que ce sont des films qui, bon, certains transmettent un message, mais d'autres, ce ne sont que des faits divers. Il faut que le cinéma africain garde son originalité et qu'on ne se lance pas dans des effets spéciaux médiocres qui vont dénaturer ce cinéma. Alors, ça veut dire quoi Notre cinéma a montré l'identité de l'Afrique. C'était de très belles cartes postales. On s'est inspiré des contes pour faire des films. Maintenant, je pense qu'il y a une jeune génération qui est en train d'arriver avec l'avènement du numérique et qui font des films qui parlent d'eux-mêmes, des films qui leur ressemblent, des films qui parlent de leurs problèmes dans lesquels ils se reconnaissent. Ils veulent faire des films qui swingent, ils veulent faire des films qui bougent, ils veulent faire des films qui ont du rythme. Ils pensent que les films que nous, on a fait sont lents. Il y a quelques années, tout le monde s'est lancé dans le cinéma parce que le numérique, il suffisait d'appuyer sur un bouton, on filmait. Et ils ont compris que ce n'est pas ça qui faisait le film. Donc, ils sont revenus tous à l'école. La formation reste totalement essentielle, ça c'est vrai. Merci à vous tous de votre fidélité. Bon FESPACO, bon cinéma. Plus il y a des jeunes qui se lancent dans ce métier, plus je crois nous avons la chance d'avoir de bons créateurs qui pourront germer demain.